1. Ok. Ce que j'emporterai dans ma tombe, c'est quelques souvenirs. Quand je voyais mes souvenirs et entendre tous les sous me dire que mon avenir ne grandira sûrement pas. Mais pourquoi? Car pour moi j'avance sur mes propres voies, je reste sur mes boîtes. Avec tout ce que j'en pense, que les gens pensent moi. Je m'en bats car je m'en bats, mais mec quand je m'en bats, c'est la mort qui se crucifie. Parce que ici j'emporterai sûrement le pacifique. La mort se passe si vite, mais que pour les mecs si vite. Dans ma tombe, tous les rats s'énervent car chasse célèbre. Ma mort quand mon âme s'élève, ici y'a plus de règles. Mais sache que j'emporterai avec moi tous mes rêves. J'emporterai avec moi les mots de la boîte aux lettres. Les mots de peine qu'on peut sûrement pas connaître. C'est terrible, j'emporterai sûrement mon intérim. J'dérive mes gars car j'emporterai toutes mes rimes.